Selon les masses médias de Séoul, le tribunal constitutionnel a déclaré le 10 mars la destitution de Park Geun-hye au bout de la lutte dynamique de masse des Sud-Coréens en la faveur. Au terme de l'examen de 3 mois en matière du projet de révocation de Park Geun-hye, adopté le 9 décembre de l'année dernière par le Parlement sud-coréen, le tribunal constitutionnel a décidé ce jour la destitution de Park Geun-hye à l'unanimité des 8 juges. Enfin, Park Geun-hye a été destitué du poste de président un an avant son mandat et sera l'objet de l'enquête sérieuse en tant que criminel ordinaire.